Je requiers la permission d'interrompre pour avoir la déclaration de vos dernières volontés, mademoiselle. Retenez-vous, votre amoureux nouveau venu. Non, laissez-moi. Me retenez-vous, moi. Non. Une fois, deux fois, me voulez-vous? Oh, l'insupportable homme. Êtes-vous sourd, maître Blaise? Elle vous dit que non. Oui, mamie. Ah, ça, monsieur, je vous prends à témoin comme quoi je l'aime. Comme quoi elle me repousse. Que si elle ne me prend pas, c'est sa faute. Et que ce n'est pas sur moi qu'il en faut jeter l'endosse. Bonjour, poulet. Au demeurant, ça ne me surprend point. Mademoiselle Angélique en refuse deux, elle en refuserait trois, elle en refuserait un boissier. Il n'y en a qu'un qu'elle a envie. Tout le reste est du fretin pour elle, hormis Monsieur Lucidor, que j'en devinais dès le commencement. Monsieur Lucidor? Lui-même. Non, je n'ai pas vu que vous pleuriez quand il fut malade, tant vous aviez peur qu'il ne devint un mort. Je ne croirai jamais ce que vous dites là. Angélique pleurait par amitié pour moi. Comment? Ne le croyez pas. Ne soyez pas un homme de bien de le croire. M'accuser d'aimer à cause que je pleure. À cause que je donne des marques de mon bon cœur. Mais je pleure pour tous les malades que je vois. Je pleure pour tout ce qui est en danger de mourir. Si mon oiseau mourait devant moi, je pleurerais. Dirait-on que j'ai de l'amour pour lui? Passons, passons là-dessus, car à vous parler franchement, je l'ai cru de même. Quoi, vous aussi, Lisette, vous m'accablez, vous me déchirez, mais que vous ai-je fait? Quoi, un homme qui ne songe point à moi, qui veut me marier à un autre, je l'aimerais? Moi qui ne pourrais pas le souffrir s'il m'aimait, moi qui ai de l'inclination pour un autre? J'ai donc le cœur bien bas, bien misérable. Oh, que l'affront qu'on me fait m'est sensible. Mais en vérité, Angélique, vous n'êtes pas raisonnable. Ne voyez-vous pas que ce sont nos petites conversations qui ont donné lieu à cette folie qu'on a rêvée et qu'elles ne méritent pas votre attention? Hélas, monsieur, c'est par discrétion que je ne vous ai pas dit ma pensée. Mais je vous aime si peu que si je ne me retenais pas, je vous haïrais depuis ce mari que vous avez mandé de Paris. Oui, monsieur, je vous haïrais. Je ne sais pas trop même si je ne vous hais pas. Je ne voudrais pas jurer que non. Car j'avais de l'amitié pour vous et je n'en ai plus. Sont cela des dispositions pour aimer? Je suis honteux de la douleur où je vous vois. Avez-vous besoin de vous défendre? Dès que vous en aimez un autre, tout n'est-il pas dit? Un autre galant? Oh, elle serait bien en peine de le montrer. En peine? Eh bien, puisqu'on m'obstine, c'est justement lui qui parle. C'est indigne. Je l'ai soupçonné. Moi? Bon, ça n'est pas vrai. Quoi? Je ne sais pas l'inclination que j'ai, mais c'est lui. Je vous dis que c'est lui. Oh, ça, mademoiselle, ne m'a dit non point. Ça n'a ni rime ni raison. Par ma foi, est-ce ma personne qui vous a pris le cœur? Oh, je l'ai assez dit. Oui, c'est vous, malhonnête que vous êtes. Et si vous ne me croyez pas, je ne m'en soucie guère. Eh, mais jamais votre mère n'y consentira. Oh, vraiment, je le sais bien. Et puis, vous m'avez rebuté d'abord. J'ai compté là-dessus, moi. Je me suis arrangé autrement. Eh bien, ce sont vos affaires. Ah, on n'a pas un cœur qui va et qui vient comme une girouette. Faut être fille pour ça. On se fie à des filles. Ah, accommodez-vous, Benet. Bah, sans compter que je ne suis pas riche. Ce n'est pas là ce qui embarrassera et j'aplanirai tout. Puisque vous avez le bonheur d'être aimé, maître Blaise, je donne 20 000 francs en faveur de ce mariage. Je vais emporter la parole à Madame Argante et je reviens dans le moment vous en rendre la réponse. Comme on me persécute. Adieu, Angélique. J'aurai enfin la satisfaction de vous avoir mariée selon votre cœur, quelque chose qu'il m'en coûte. Je crois que cet homme-là me fera mourir de chagrin.